C'est fou comme à l'asile. 89.1 Bienvenue à CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio et c'est aussi l'émission où on compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans l'assemblage requis. Et cette semaine, ce sont les chroniques de la semaine du 15 février 2010 qui se font compresser dans notre beau petit fichier zip. Il va y avoir Utilitrucs, Cybercrime et Palmarès, une toute nouvelle chronique. Tout ça en plus de musique de jeux vidéo et de la suite de la série en concert qu'on a débuté la semaine dernière par Jonathan Mann, cette série en concert. On écoute l'album au complet qui s'appelle The Mario Opera Act 1 par Jonathan Mann et on est rendu à la pièce numéro 2. Donc on va entendre Wedding Song. Tout ça avant de commencer avec cette pièce-là, parlons un petit peu de Jonathan Mann. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Game Jew. C'est le gars qui écrit une chanson par jour à tous les jours depuis plus de 400 jours sur son site Songday, qui est au rockcookiebottom.com. Il y a aussi une page Bandcamp, jonathanmann.bandcamp.com. Évidemment, les liens vers tout ça sont sur assemblagerequis.com. Tout à l'heure, il va y avoir la chronique de lundi dernier. On va commencer par utiliser des trucs, mais avant ça, donc, Wedding Song par Jonathan Mann. Tout de suite à CNX.zip, à C'est fou 89.1 FM. Vous allez voir, ça doit être très spécial. Beaucoup de changements, beaucoup de progression dans cette pièce. Welcome everybody to the marriage of Mario of Brooklyn, New York, and Princess Peach of the Mushroom Kingdom. We're gathered here today to celebrate the union of Mario. Princess Peach, the daughter of this kingdom. Good fortune's on its way. Of this I'm sure. 'Cause Mario the plumber has the strength we need to fortify this kingdom. Everything is gonna be alright. So now, if everything's in order, yes, everything's in order. And if everybody is ready now, well, I'd like to call forth my daughter to speak her wedding vows. Mario, you love me. For my Jonathan Mann et The Wedding Song, oui, The Wedding Song du CD The Mario Opera Act 1. C'est la deuxième pièce de notre série en concert sur cet opéra de Mario qui nous racontait l'histoire d'amour entre un plombier et une princesse. Mario et la princesse Peach, que c'est beau. Vous êtes à CNX.z pour on compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis et on commence avec la chronique de lundi. Tout de suite, voici Utilitruc. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, c'est Utilitruc. Donc, on vous parle de choses, de logiciels, de sites web qui vont vous simplifier une tâche que vous avez à accomplir, vous, en tant que geek accompli ou affirmé, que vous vous assumez là-dedans. Bon, c'est pas toujours si geek que ça. Tu vas voir, il y a des affaires qui vont peut-être t'intéresser. Peut-être. Peut-être. Ça. Peut-être pas aussi. OK. Bon. Commençons par un article sur Branchez-vous, section logiciel. Kiwan, t'as peut-être eu ce problème-là dans ta vie, toi. Certaines applications qui ont le comportement désagréable de verrouiller les fichiers sans que ce soit nécessaire. Hein? Bon, vous avez besoin de Unlocker. J'ai eu plusieurs problèmes de comportement désagréable, même pas celui-là, je vais t'avouer. Non, bon. Lorsque vous essayez de supprimer un fichier ou un dossier, ben des fois, Windows vous indique qu'il est déjà utilisé par une application et donc c'est impossible de le supprimer. Moi, ça m'arrive très, très fréquemment. C'est là qu'arrive Unlocker. Donc, au clic droit, vous pourrez choisir Unlocker, hein, pour voir apparaître une liste des applications qui maintiennent le fichier verrouillé. Vous allez pouvoir alors choisir Unlock All pour terminer tous les processus fautifs et donc pouvoir supprimer le fichier. Unlocker est gratuit et fonctionne sous Windows 2000, Windows XP, 2003 et Vista. Vous pouvez avoir plus d'informations évidemment dans l'article sur assemblagerequis.com. Wow! C'est vraiment bien, je trouve. Non, mais pour vrai, ouais, je trouve que c'est très utile. Je pense que je vais aller le télécharger. D'accord. Est-ce que des fois, ça pourrait être sarcastique, mais là, cette fois-ci, c'est vrai? Là? Ben, tantôt, la première chose que j'ai dit, c'était sarcastique, mais là, c'est vrai. Bon. Depuis un bout, hein, vous connaissez peut-être iGoogle, qui est comme la page d'accueil là, que bien des gens adorent. C'est sur google.com/iGoogle. C'est une page de démarrage où vous pouvez ajouter des gadgets, là, des trucs, des calendriers, des reminders de choses que vous avez à faire, des flux RSS pour voir vos nouvelles. N'importe quoi, tout ça par petites tuiles sur iGoogle. Eh bien, il y en a qui flirtent avec d'autres, qui cherchent quelque chose de meilleur ou quelque chose de plus simple. Celui-là, c'est dans la catégorie « choses beaucoup plus simples ». C'est le site fav4.org, donc fav4.org. C'est une page avec seulement 4 gros boutons, 4 vraiment super fancy petits boutons web 2.0 là, avec un petit ombrage en dessous. Donc, 4 boutons vers les sites web de votre choix. Par contre, il faut choisir entre les choix qu'eux vous offrent. Il y en a comme quelques douzaines de choix. Par défaut, c'est Facebook, Flickr, Gmail et Twitter sur votre page fav4.org. Comme je dis, donc, vous pouvez choisir parmi les douzaines qui vous sont proposées. Et c'est sur un beau petit fond gris, là, tout bien fadé, encore une fois, web 2.0. Pas besoin de s'abonner, pas de flafla, pas de météo, pas de courriel, pas d'alerte Google pour vous déranger. Juste une petite application bien simple qui fonctionne aussi avec des raccourcis clavier, donc 1, 2, 3 et 4. Quand tu es sur la page, tu fais 2, ça t'amène directement vers ton icône numéro 2. Donc, simple, efficace, vraiment génial. Bon. Encore une fois, fav4.org. Encore une fois, sur le blog Branchez-vous logiciel, on nous parle de FlockDraw, qui est une toute petite application très simple qui s'exécute à même le navigateur web et qui permet de créer des dessins simples à l'image du tableau blanc, là, un whiteboard, et de les partager avec des collaborateurs qui peuvent à leur tour le modifier en temps réel. À l'arrivée sur le site de FlockDraw, pas de connexion, pas d'inscription, encore une fois, c'est très, très libre. On clique sur Start Drawing et c'est parti. On a déjà un tableau blanc et tous les outils, que ce soit un crayon, une brosse, un pot de peinture pour remplir une forme, un outil pour faire des lignes, un outil pour écrire, un outil pour faire des formes et on peut choisir parmi plusieurs couleurs. Pour partager le tableau, il suffit de donner l'adresse indiquée en haut du tableau aux collaborateurs et aussitôt qu'ils vont l'entrer dans leur navigateur, ils vont voir le dessin apparaître, ils vont pouvoir le compléter et les modifications vont être reflétées en temps réel sur votre ordinateur à vous. L'idée est quand même bonne, ça s'appelle FlockDraw et c'est sur le flockdraw.com, FLOCKDRAW.com. L'article est sur assemblagerequis.com évidemment. Bon, pas du dessin. Et tu dessins. Hein? Bon. Vas-y. C'est ton genre, ça. Ben oui, moi, bricolage, dessin, créativité, hein, c'est super. Parlant de dessin, l'outil Aviary, qui est sur aviary.com, A-V-A-R-Y.com, qui est une suite une suite basée sur le web, premièrement, donc pas de logiciel, c'est sur le web. C'est un outil d'édition d'images. Avant, il fallait payer. Hein, 25$, quelque chose du genre. Maintenant, c'est gratuit à cause d'une nouvelle ronde d'argent qu'ils ont réussi à ramasser, du funding, qu'ils appellent. Donc, beau petit programme sur le web. Tous les gens qui, d'ailleurs, étaient déjà inscrits depuis un mois, minimum, non, ou à l'intérieur du dernier mois, vont se faire rembourser le 25$ qu'ils ont déboursé. Et ceux qui étaient inscrits avant ne seront plus facturés. Bon, ça, c'est la nouvelle. Donc, Aviary, qui, comme compétition, si vous voulez comparer un peu, c'est une compétition de la suite Adobe CS. Si on veut, en moins sophistiqué, évidemment. Donc, ceux qui utilisent Photoshop, c'est ce genre de logiciel-là. Sinon, Photoshop.com, qui est aussi gratuit, mais qui lui impose une limite de 2 gigs sur les fichiers pour les utilisateurs gratuits. Donc, Aviary, c'est au complet gratuit, complètement gratuit, là. Il y a aussi un éditeur de vecteurs, donc vectoriel, un éditeur de palette de couleurs et même une nouvelle application audio dans cette suite-là qui s'appelle Mina. Voilà donc pour Aviary.com. Beau succès pour eux, évidemment. Extension Firefox maintenant. Tu connais le furteur alternatif Firefox? On en parle souvent. Bien sûr. Il y a des extensions là-dedans qu'on peut installer très rapidement, très facilement, qui vont permettre d'avoir des options additionnelles dans Firefox, que ce soit pour bloquer les publicités ou n'importe quoi. Celle-ci s'appelle NoScript. Pour contrôler l'exécution de contenu JavaScript, Java tout court et Flash. Donc une extension pour contrôler ça. L'application permet de créer une liste liste blanche de sites pour que du contenu JavaScript, Java ou Flash puisse être exécuté sur un site. Il doit figurer à la liste. Donc vous allez pouvoir ajouter des sites que vous jugez dignes de confiance à la liste pour plus de sécurité. Donc si vous allez sur un site et que tout le temps du Flash, des publicités Flash qui arrivent tout le temps, MySpace, vous voulez pas que les Flash apparaissent sur MySpace, même s'il y a des applications faites juste pour bloquer le Flash tout court. Comme Flashblock, que j'aime bien. NoScript permet d'y aller avec une liste blanche pas mal facile, pas mal simple d'accès. Donc, NoScript, c'est gratuit. Voilà. La plupart des sites qui proposent de la vidéo ou de l'audio nous permettent difficilement de les sauvegarder. T'es au courant de ça aussi? Mm-hmm. Soit ils sont lus en direct, soit ils sont joués avec un lecteur Flash qui nous empêche de localiser le fichier original. Eh bien, une des solutions est TubeMaster++. Donc, si votre ordinateur peut le lire, TubeMaster++ peut l'extraire et le sauvegarder sous plusieurs formats, que ce soit AVI, MPEG, MP3, MP4, iPod ou PSP. Ça permet de récupérer les vidéos et les fichiers audio de tous les sites, entre guillemets, dont YouTube, Dailymotion, ça va être heureux d'entendre MySpace, wow. Google Vidéo et Last.fm, et c'est aussi gratuit, ça. TubeMaster++, le lien est sur assemblagerequis.com. Très intéressant. Vraiment, on va le tester pas mal à fond, je pense, celui-là. Si vous souhaitez conserver des copies de pages web ou encore les emporter sur la route, le format PDF est quand même un bon allié, dit branchez-vous logiciel. Problème, c'est que tous les ordinateurs ne possèdent pas l'impression par PDF nécessairement. Et c'est là où intervient PDF My URL, une application web qui demande pas d'installation ni de création de compte. On entre l'adresse d'une page web et ça nous fait un PDF. Les plus exigeants, dit l'article, vont aussi y trouver leur compte. On peut ajouter une série d'options pour définir le nom du fichier de sortie, l'orientation du papier, la dimension de la feuille de papier, la résolution du document, etc. C'est gratuit, mais c'est en anglais seulement. pdfmyurl.com. Je vais y aller avec celui qui me tient à cœur. Je vais vous poster sur l'assemblage requis les deux autres liens sur comment éteindre Google Buzz, qui est la nouvelle application de Google, dont on parlera pas parce que tout le monde en a parlé ailleurs. Mais bon, Google Buzz, le petit logiciel à la Twitter, à la Facebook, à la on partage des cossins dans Gmail. Bref, les articles seront sur assemblagerequis.com. Je veux parler d'une chose que moi, je trouve primordiale, essentielle, mais qui va peut-être te rendre froid un petit peu, te laisser froid. OK. Essaye de pas être trop émotif, là, en fait. Je vais pas m'emporter. Je le promets, je ne pleurerai pas. C'est un ajout, encore une fois, pour Firefox qui s'appelle BarTap. D'accord? Donc, si vous êtes comme moi, et bien sûr, plein de gens le sont, hein? Bon. Tu veux dire, si vous êtes des troublés obsessionnels compulsifs? Avec, je crois, en ce moment, 20 000 nouvelles à lire que je vais devoir tasser par... À plus tard, là. Bref, si dans Firefox, vous êtes comme moi, vous ouvrez plein d'onglets en même temps, OK? Plein d'onglets, vous êtes sur bande à part, n'importe quoi, vous ouvrez des nouvelles dans plein d'onglets là, avec la touche contrôle ou commande, là, dépendant. Vous cliquez, vous ouvrez plein d'affaires. Ça prend beaucoup, beaucoup de ressources d'ordinateur, hein? C'est vrai, là, ça devient de plus en plus lourd. Firefox devient lent et, comme dit, dur de réagir là, correctement. Bref, le BarTap, qui est un ajout à Firefox, est génial. Aussitôt que tu ouvres un lien dans un nouvel onglet, normalement, Firefox chargerait le contenu de la page automatiquement en arrière-plan. eh bien, BarTap l'empêche de faire ça. Donc, ça surveille l'ouverture des nouveaux onglets et ça intervient. Aussitôt qu'un nouveau apparaît, ça va juste l'empêcher de charger. Et en plus, non seulement ça va économiser des ressources comme ça, mais quand vous allez redémarrer votre logiciel Firefox, ça va se rappeler de quelle page n'était pas chargée. Donc, aussitôt que vous allez changer d'onglet, que vous allez cliquer volontairement sur le prochain onglet, là, la page va se charger. Donc, votre ordinateur va rouler plus vite et Firefox va arrêter de faire planter plein d'affaires. C'est génial. Je peux même pas croire que ça a pris autant de temps avant de trouver ça. BarTap. Malade. Bon. On dirait que c'est comme une exclamation. Je peux pas croire que ça a pris autant de temps avant qu'ils inventent ça. BarTap. Ben, ouais, bar. Comme il y en a qui disent bâtisse, moi, je vais dire BarTap. Ouais, c'est ça. Viens là, rien. Je pense pas que ce soit considéré comme vulgaire, fait que tu peux le dire, c'est correct. Ben, BarTap. Ah, ben, BarTap. C'était la chronique de lundi dernier, Utilitruc, dans CNX.zip, qui comprennent toutes les chroniques CNX d'assemblage requis, diffusées ici à C'est fou du lundi au jeudi entre 15h et 17h. Soyez-y, il y en a une fois de temps en temps. Hein? Ben oui. Tantôt, il reste les chroniques de mardi et de mercredi, c'est-à-dire cybercrime et la nouvelle, le nouveau concept palmarès. Hein? Bon, mais avant ça, parlons un petit peu des nouveaux jeux qui sont disponibles en magasin. Selon Amazon.com, commençons par les jeux sur PlayStation 3. On trouve Alien vs Predator Bilingual Gameplay, un jeu de Sega, hein, donc sur PlayStation 3, et Dynasty Warriors Strike Force de Koei. Mm-hmm. Maintenant, passons à Xbox 360. Il y a aussi Alien vs Predator et il y a aussi Dynasty Warriors Strike Force. Sur Nintendo Wii, pas grand-chose, honnêtement, pas grand-chose. Je crois qu'il y a un seul jeu, oui, c'est Triple Crown Snowboarding de la compagnie Destiny Inc. Évidemment, un jeu de snowboard. Si on passe sur PC, on trouve EverQuest 2 Sentinels Fate Collector's Edition de Sony Computer Entertainment. C'est sur Windows Vista et Windows XP. Il y a aussi la version pas Collector's Edition, donc pas du collectionneur de EverQuest 2 Sentinels Fate. Et une version PC de Alien vs Predator, aussi bilingue et aussi sur Windows Vista et Windows XP. Sur Nintendo DS maintenant, un seul jeu, Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth de Capcom sort cette semaine. Et puis finalement, il nous reste la PSP de Sony, qui voit aussi un seul jeu, c'est SOCOM Fireteam Bravo 3 de Sony Computer Entertainment. C'est donc très, très, très, un jeu de PSP, ça. Très, très. C'est pas la catégorie? Dommage. Bon, donc voilà pour les jeux qui sortent cette semaine du 15 février selon Amazon.ca. Je vais mettre le lien sur assemblagerequis.com pour ceux qui veulent plus d'informations et pour acheter ces jeux-là. Maintenant, on retourne en chiptune, donc de la musique inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo, et on va entendre une pièce qui vient de la... et là, j'utilise l'expression qui est peut-être un petit peu péjorative pour certains, mais la comédie musicale, entre guillemets ici, Dr. Herbal's Sing-Along Blog, qui est un succès monstre pour une web télé. C'est absolument fantastique. C'est avec Neil Patrick Harris et un paquet d'autres gens, Felicia Day, et des gens vraiment géniaux qui travaillent dans des émissions de science-fiction et des comédies, donc ils se sont rassemblés pendant la grève des scripteurs à Hollywood, pas récemment du tout, ça commence à faire longtemps, pour faire cette comédie musicale-là, Dr. Herbal. Et maintenant, l'artiste Dr. Octorok, qu'on entend assez fréquemment ici à CNX.zip, a refait la pièce Everything You Ever, Finale, pour que ça sonne NES. Donc, la voici. Peu importe si vous connaissez la chanson ou pas, moi, je vous conseille d'aller au moins écouter la comédie musicale Dr. Herbal, qui est disponible pas mal partout sur Internet, hein, si vous cherchez un petit peu. Et puis, cette pièce-là est juste vraiment bonne en tant que telle, même si vous connaissez pas la pièce. Donc, voici Dr. Octorok à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio et la seule émission à jouer de la musique de jeux vidéo, je pense. Assez fou, ça. En tout cas, régulièrement. Hein. We'll be right back.

C'était la chronique de mardi de CNX, c'est-à-dire Cybercrime, ici dans CNX.fr, où on compresse les chroniques technologiques diffusées originalement dans Assemblage requis, qui est l'émission du retour en pièces détachées, lundi au jeudi entre 15h et 17h. Aujourd'hui, en passant, il n'y aura pas de chronique CNX parce qu'on essaie de les faire lundi, mardi, mercredi pour pouvoir les mettre jeudi dans CNX.fr. Hein. Vous voyez comment je pense? Moi, j'essaie d'être logique là-dedans. Mais bref, soyez-y quand même à Assemblage requis entre 15h et 17h, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Tantôt, il nous reste la chronique de mercredi, c'est-à-dire d'hier, hein? Palmarès, où on essaie un nouveau concept de fusion des genres, fusion des styles. Là, c'est comme du ballet jazz. Je sais pas. Je connais pas les sports. Les sports qui fusionnent deux styles, des trucs olympiques. J'essaie de faire des références, c'est vraiment current là, dans la vie, puis je suis pas capable du tout. Autant que je suis pas capable de dire les noms en français de Louis Vuitton. Je sais même pas comment ça se prononce. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça dans la vraie vie. Comment c'est stupide de ma part, c'est. Bref, voilà. Avant de prendre une pause, on va regarder un petit peu les mots-clés les plus recherchés sur la Toile du Québec, pour ceux que ça intéresse, sur toile.com. En cinquième position, ça descend, c'est Horoscope. En quatrième, ça monte, l'Auto-Québec. En troisième, c'est stable. Et le reste aussi est stable. Donc, troisième, les packs. Deuxième, Hotmail. Première position, Facebook. À chaque fois que je lis ça depuis les 6 ans que CNX existe, c'est toujours les mêmes mots-clés, mais dans un ordre différent. C'est vraiment le fun. Des fois, il ajoute Facebook, comme « Wow, le monde arrive là-dessus ». C'est cœur, hein? Regardons un top un petit peu plus intéressant, selon moi, le top des jeux vidéo les plus loués dans les clubs vidéo la semaine dernière. En cinquième, on retrouve Army of Two, The 40th Day sur Xbox 360. En quatrième, c'est Dante's Inferno sur PlayStation 3. En troisième, encore une fois, Dante's Inferno sur Xbox 360. En deuxième, c'est Bioshock 2 sur Xbox 360. Et le jeu le plus loué dans les clubs vidéo, et j'en suis très heureux, c'est New Super Mario Bros. Sur Nintendo Wii. C'est génial comme jeu. J'adore. Allez le chercher tout de suite. On revient après la pause avec plus de CNX.zip. Restez là. CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Vous écoutez toujours CNX.zip, ça c'est l'émission la plus geek de la radio et c'est par le fait même l'émission qui compresse les chroniques technologiques diffusées originellement dans Assemblage requis. Oui, on a déjà entendu deux des chroniques de cette semaine du 15 février, il nous en reste une, c'est celle d'hier, mercredi. Elle s'appelle Palmarès, c'est une fusion des genres comme je l'avais dit. Mais ça c'est pas tout de suite là parce qu'on a un minimum de temps pour jouer un tout petit peu de musique de jeux vidéo ou inspirée par les jeux vidéo. Cette fois-ci, on écoute l'artiste Spamtron. La pièce s'appelle Pokéballs 21. Tout de suite à CNX.fr.

Le couteau suisse du 21e siècle. MacGyver n'a qu'à bien se tenir. La technique avance, le couteau suisse aussi. C'est une clé USB, un système Bluetooth, en plus d'avoir un paquet d'autres affaires comme ça. Donc, une clé USB, couteau suisse. Mais il n'y a pas les accessoires traditionnels du couteau suisse. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec un couteau suisse. Ben, il y a des ciseaux. OK, il y a vraiment... Ici, ouais. OK, quand même. Quand même. Passons à la prochaine position, qui est la troisième, la douche ludique. Consultez la liste des courses pendant votre toilette, c'est désormais possible. Et pour ceux qui préfèrent écouter de la musique pour commencer la journée, plus besoin de monter le volume à fond. Hein? C'est un petit pad blanc qu'on peut afficher sur le mur de sa salle de bain. Un petit crayon à l'épreuve de l'eau qui va vous permettre d'écrire, entre autres. Là, on parle encore de maillot de bain. J'espère qu'il est plus facile à comprendre, ça. Des maillots de bain qui sèchent instantanément grâce à un tissu qui repousse l'eau au lieu de l'absorber. Hein? Pour nager ou pour bronzer, réjouissez-vous si vous ne supportez pas le sable qui colle à la peau. C'est la quatrième position des gadgets qui changent nos vies. Et finalement, le numéro 5, miroir, mon beau et pratique miroir, dit l'article. Avec ce miroir, plus besoin de se tordre dans tous les sens pour se coiffer ou se maquiller. Équipé d'une applique murale et de 6 miroirs repliables, ce gadget sera, mesdames, votre meilleur allié. Donc, c'est sérieusement un miroir avec des petits miroirs qui se déplient. Bon mot. Pour te permettre d'avoir un genre de vision presque 180 ou plus de ta tête. T'es comme au centre d'un miroir qui fait le tour de toi, c'est ça? C'est ça. C'est comme le film de ta vie. Qui défile devant toi. Vive la technologie. Voilà donc pour cette chronique Célix Palmarès. C'était la chronique de mercredi, palmarès ici à CNX.zip. Et là, j'ai fait mes recherches, tu sais, comme je peux pas le faire hier pendant l'émission quand même. J'ai été voir qu'est-ce que c'était ce maillot de bain solaire là, de Triumph. Ah oui, une idée tellement révolutionnaire. C'est un maillot qui fournit assez d'électricité pour un téléphone portable ou un iPod. Dans le fond, ça alimente tes gadgets. Pendant que tu portes le maillot de bain, t'as un fil qui sort, puis le soleil, en tout cas. Vous comprenez? Donc, ça alimente vos gadgets. C'est ça l'idée de ce maillot de bain solaire. On va arrêter de se poser des questions. On va se dire les vraies affaires. Bon. Voilà, on a terminé pour les chroniques de la semaine du 15 février, donc on va continuer en musique très bientôt, mais avant ça, on va parler des jeux vidéo les plus populaires selon GameSpot.com, en cinquième, qu'ils soient sortis ou non, en passant, hein, qu'ils soient bientôt en magasin ou qu'ils soient présentement en magasin. En cinquième, on retrouve Mass Effect 2 sur Xbox 360, c'est un jeu de rôle, c'est coté 9.0, donc c'est un choix de l'éditeur selon GameSpot. En quatrième, Aliens vs Predator, dont on parlait tantôt dans les nouvelles sorties, c'est sur PC, c'est un jeu d'action et ça sort le 16 février. En troisième, en fait, ça vient de sortir le 16 février. Oui, on est le 18. Position numéro 3 maintenant, Bioshock 2 sur Xbox 360, un jeu d'action coté 8.5. En deuxième, c'est Aliens vs Predator, mais cette fois-ci sur PlayStation 3, un jeu d'action qui est coté 5.5. Et le numéro 1 des jeux les plus populaires est aussi coté 5.5. Pourquoi? Parce que c'est aussi Aliens vs Predator, trois fois dans le top 5 plutôt qu'une. Mais cette fois-ci, c'est sur Xbox 360. Voilà pour les jeux les plus populaires selon GameSpot.com. Maintenant, on tourne en chiptune et là, comme j'aime le faire une fois de temps en temps ici à CNX.zip, c'est de prendre une pièce connue ou au moins un groupe connu et vous faire deviner qui est le groupe en question qui est repris en chiptune, donc à la manière jeu vidéo, que ce soit créé à partir de consoles de jeux vidéo ou inspiré par les jeux vidéo. Je vous propose de deviner quelle est cette pièce tout de suite à CNX.zip. Voilà, avez-vous deviné ce que c'était? Sûrement pas. En tout cas, moi, je la connaissais pas, mais le groupe est connu, Devo, ceux qui faisaient Whip It Good, là. La pièce s'appelle Mongoloid. C'est un cover de cette pièce-là avec le plugin Magical 8-Bit Plug. C'est l'artiste Joe qui l'a fait. Et là, j'ai été renseigné sur le Magical 8-Bit Plug. C'est un petit plugin comme ça par YMCK, qui est un groupe qu'on entend assez fréquemment ici à CNX.zip. Un groupe qui fait de la musique très jeux vidéo, mais chantée. Très original. C'est eux qui font ce plugin-là. Allez voir sur assemblagerequis.com. Je vous ai posté le lien vers la pièce et vers le plugin www.assemblagerequis.com. On écoute une autre pièce extrêmement rapide, 1 minute 30, et puis on vient avec la conclusion de l'émission. Voici George Michael Brauer et Out With My Girlfriends. Et non, ça, c'est pas un cover d'une sortie de fille avec Marie-Chantal. C'est pas ça, malheureusement. George Michael Brauer avec Out With My Girlfriends, très très bonne chanson. Et d'ailleurs, le gars, non seulement la pièce est très impressionnante, très très bonne, une des meilleures que j'ai fait jouer jusqu'à depuis un bout, là, en tout cas selon moi, mais il a créé un rhythm game, donc un jeu de rythme là, un peu à la Dance Dance Revolution pour aller avec cette pièce-là. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Évidemment, c'est sur 8bitcollective.com, un très merveilleux site pour ceux qui aiment le chiptune. On va se quitter avec la pièce Black Thunder de 12 Insomnia, une autre pièce sur 8-Bit Collective. Nous, on se retrouve à 13h pour les Palmarès C'est Fou édition franco et à 15h pour Assemblage Requis avec Key One. Et puis, CNX.zip sera de retour jeudi prochain à 10h, évidemment. D'ici là, ben, le dîner de con s'en vient avec Danny et André. Passez une superbe journée. Au revoir. Cash.com.